Le vierge, le vivace. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, va-t-il nous déchirer avec un grand coup d'aile, ivre, ce lac dur oublié, que hante sous le givre le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui. Un cygne d'autrefois se souvient que c'est lui, magnifique, mais qui sans espoir se délivre pour n'avoir pas chanté la région où vivre quand du stérile hiver a resplendi l'ennui. Tout son col secoura cette blanche agonie par l'espace infligé à l'oiseau qui le nie. Mais non l'horreur du sol où le plumage prie. Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne, il s'immobilise au songe froid de mépris que vêt parmi l'exil inutile le cygne.